Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 11 novembre et vous êtes sur Radio Gemozo. Bienvenue dans Les Oreilles du Monde, proposée par l'association Les Mondes de l'Utopie. Pour ce jeudi 11 novembre, une émission un peu spéciale, car enregistrée, je vous propose une playlist. Une playlist qui oscille entre musique traditionnelle et fusion. On restera principalement dans les pays de l'Est, en faisant tout de même un petit coucou à l'Italie, à l'Afrique, au jazz de la New Orleans et aux musiques cuivrées. On commence tout de suite cette playlist par une musique traditionnelle de l'île de Majorque, qui est interprétée par une grande défenseuse de la langue catalane, j'ai nommé Maria del Mar Bonet, et le disque qu'elle a créé, dont cette chanson est issue, est un manifeste pour le retour des langues régionales. Je vous souhaite une bonne écoute. Voldria tornar ben veure i vos qui fosseu sa font d'allà on jo he de veure. Voldria tornar ben veure, voldria tornar ben veure. Voldria que fosseu que fosseu lladre perquè em robàseu l'amor que du tanta vera major com una flor de baladre. Voldria que fosseu lladre, voldria que fosseu lladre. Vull s'acorda s'acorda d'aquest pont a tornar-me corriola per conversar amb vos com sou a treure aigua tota sola. Voldria ser corriola, voldria ser corriola. Voldria tornar a corriola, torna Coloma, els tres mesos de s'estiu, que saps on faries mil, a dins el lloc de sa torre. Voldria tornar a Coloma, voldria tornar a Coloma. Okay.

Yeah. ça rec là. Eh ben rec alors. T'es un ange, c'est parfait. Je n'aurais pas rêvé mieux. Ah. Ah, c'est beau l'écran qui s'allume sur la vie. Petit, petit, mes petits, vous mes tout petits. Oh, petit, petit, mes petits, venez par ici. Mignon, mais tout mignon, juste un selfie et c'est fini. Y'a que se poser, se laisser faire, pas y penser et se taire. Oh, petit, petit, mes petits, vous mes tout petits. Mes jolis petits, acceptez-vous de trois cookies. Mignon, mais tout mignon, vous êtes fiché, ça y est, c'est fiché. Acceptez ces deux, trois cookies. Mignon, mais tout mignon, vous êtes fiché, ça y est, c'est fiché. Vous, mes petits poulets, mes petits moutons, je vous cajole. Cliquez, pressez, scrollez, achetez, que les données s'affolent. Fan de lunettes, de bagnoles, d'angèle ou de casserole, ça y est, t'es fiché. À la trace, si vous avez peur un jour que vos données s'effacent. Mignon, mais mignon, papa est là, la vie privée, c'est Big Data. Big Data, Big Data, Big Data. Mes amours, chouchou, loulou, je suis le sacré Graal, le champion du monde du ciblage comportemental. Mozilla, Firefox, Google Chrome ou Opera, je suis Big Data. Coming on Monday, I heard that before. I'm warning on Tuesday, I'm shutting the door. She's showing up Wednesday, I'll wait on the floor. I gave her one more chance to come. She turned me down and left me alone. She's busy on Thursday, I knew that before. I'm working on Friday, at just around four. She's free on Saturday, her notice I tore. We'll meet on Sunday, that's not a promise. I can't wait for you anymore. Tried, it's not my fault. it's not my fault to join you on your own. A fly, that's what I call. I'm learning now to read your thoughts. I can tell you I'm not waiting no more. My heart is burning, I will break through the door. I keep saying I'm not waiting no more. My heart is aching, I will break through the door. I can tell you I'm not waiting no more. My heart is burning, I will break through the door. I keep saying I'm not waiting no more. My heart is aching, I will break through the door.

Thank you. luce, del virus c'è più luce nel cuore. La gente sappia come di curare, la gente sappia come di curare. Manipulia, ci è manipulia, ma c'è l'amore. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. A period that I call the battle for identity. implacable forces they put into mortal combat. Remember who you are. That makes it possible for me to say to you, come back with me. Avec le talentueux David Krakauer et le Klezmer Madness. Eh bien, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve le 9 décembre en direct avec mes collègues des Oreilles du Monde. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. Salut !